vêtements volés quand j'étais enfant. Au-dessus des mers et des océans, de suivre à l'automne les oiseaux marins qui filent vers le sud les soleils lointains. Je suis né ici, près des goélands, des cormorants, des moiteuses. Mais celui que j'aime, celui qui est le plus grand, c'est mon ami, le fou de Bassan. Il plane sur les vagues et cette île à Ouessant, comme un aigle des mers poussé par les vents. Quand il est trop lourd d'avoir trop mangé, c'est là que je le vois au large de la baie. Je suis né ici, près des goélands, des cormorants, des moiterieuses. Mais celui que j'aime, celui qui est le plus grand, c'est mon ami, le fou de Bassan. Pour les protéger, j'élèverai des remparts. Je ferai la guerre aux marchands d'or noir. Mais à la vérité, quand j'y pense vraiment, leurs ennemis sont les hommes, tout simplement. Je suis né ici, près des goélands, des cormorants, des moiterieuses. Mais celui que j'aime, celui qui est le plus grand, c'est mon ami, le fou de Bassan.